Bonjour, je suis Amélie. Cela fait 7 ans maintenant que nous partageons de chaleureux moments, mais également 1 an que je suis rentrée de mon immersion et de ma formation dans le Kerala en Inde. Je n'ai pas trop échangé sur mon voyage, car c'est difficile pour moi de mettre des mots sur ce que l'on vit avec le cœur. Par contre, mes mains, elles, se souviennent et elles parlent à ma place. Sente ce dont votre corps a besoin. Libère les tensions qui bloquent. L'Ayurveda m'a appris une chose essentielle. Nous nous sentons bien mieux lorsque le corps et l'esprit sont en harmonie. Mon rôle, grâce à mes mains, c'est d'écouter, d'accompagner, de relancer l'énergie qui nous nourrit. Je souhaitais prendre une minute pour vous remercier de nos précieux échanges et votre confiance. Chaque fois que vous passez la porte de l'Institut, c'est un réel honneur, vraiment. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une lumineuse journée. Amélie.